allez-vous? Vous avez fait un beau voyage? Pas trop fatigant, non, avec le décalage horaire? Mon mari qui voyage beaucoup dit que ce qu'il y a de plus dur, c'est le décalage horaire. Moi, je ne voyage pas. Je reste à la maison. Qu'est-ce que vous voulez? Avec Ninou, je ne peux pas voyager. Alors, votre maman n'est pas venue. Elle ne vous a pas accompagnée. Elle est toujours en Argentine. Vous savez que ça fait très plaisir. Nous sommes impatients de vous voir. Et je suis sûre que Ninou sera ravie de faire votre connaissance. Ninou, c'est ma chatte. C'est un peu comme notre fille, vous savez. Alors, quand venez-vous nous voir? Alors, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible. Ninou ne va pas très bien. Non, je ne sais pas ce qu'elle a. Et il faut que je l'amène cet après-midi chez le docteur. Et puis, mon mari est absent. Il est en voyage. Il n'est jamais à la maison. Toujours en voyage. Les affaires, vous savez ce que c'est? Je le lui répète tous les jours. Tu devrais faire attention. Tu te fatigues trop. Ça finira mal. Tu vas me faire un infarctus. Je ne l'écoute pas. Il rit. Ah, les hommes. Tous les mêmes. Alors, quand? Voyons quand. Après-demain? C'est ça. Je vais donc dîner après-demain, tout simplement. Nous serons sûrs de vous voir. Alors, c'est entendu? Après-demain, disons, 7h30, ça vous va? Vous avez l'adresse? C'est à côté du Nico, l'état japonais. Vous trouverez. Alors, nous vous attendons. Au revoir. Et après-demain. N'oubliez pas, surtout. Mon mari, qui voyage beaucoup, dit que c'est le plus dur, le décalage horaire. Le décalage horaire, c'est le plus dur. C'est le plus dur. Mon mari dit que c'est le plus dur. Mon mari dit que le décalage horaire, c'est le plus dur. Mon mari, qui voyage beaucoup, dit que le décalage horaire, c'est le plus dur. Que fait le mari de Madame Courtois? Il voyage beaucoup. Nous sommes impatients de vous voir. Nous sommes impatients. Nous sommes impatients de vous voir. Je suis sûr que Minouche sera ravie de faire votre connaissance. Minouche sera ravie. Elle sera ravie de faire votre connaissance. Je suis sûr qu'elle sera ravie de faire votre connaissance. Minouche, c'est ma chatte. Qui est Minouche? Leur chatte. Alors, quand venez-vous nous voir? Alors, quand venez-vous nous voir? Alors, quand venez-vous? Alors, quand venez-vous nous voir? Après-demain? C'est ça. Venez donc dîner après-demain, c'est ça. Venez donc dîner. C'est ça. Venez donc dîner après-demain. Quand Robert va-t-il dîner chez les Courtois? Après-demain. Vous avez l'adresse? Vous avez l'adresse? C'est à côté du Nico, l'hôtel japonais. C'est à côté du Nico. L'hôtel japonais. Où habitent les Courtois? à côté du Nico, l'hôtel japonais.